Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Écoute dans la nuit. C'est Jean-Marie Marsay et ce soir j'ai deux invités. Tout d'abord, j'ai la joie d'accueillir Marguerite Peters. Bonsoir Marguerite. Bonsoir Jean-Marie. Alors, vous êtes originaire des États-Unis mais aussi de plusieurs autres pays parce que vous avez beaucoup voyagé à l'occasion de votre parcours, Marguerite. Oui, je suis née à Manhattan, New York. Et j'ai vécu dans 6 pays différents. La France a joué un grand rôle dans ma vie puisque j'ai fait mon éducation en France après avoir passé une année et demie à Châteauneuf-de-Galore où j'ai eu la grâce de connaître Marthe Robin. J'ai fait mes études à la Sorbonne, mais j'ai aussi vécu en Ukraine, en Italie, en Autriche, en Belgique, aux États-Unis. Et vous êtes venu tout droit de Belgique ce soir pour nous parler d'un thème un peu particulier là, sur la théorie du genre. Alors, on aura l'occasion de vous dire, chers auditeurs, ce qu'est la théorie du genre. Je reçois également Esther Pivet. Bonsoir Esther. Bonsoir Jean-Marie. Alors vous êtes originaire de Paris. Plutôt, oui. Alors vous êtes polytechnicienne, mariée, mère de 4 enfants. Vous êtes aussi coordinatrice du collectif Vigigender qui assure un travail d'information auprès des parents et des enseignants sur la diffusion de la théorie du genre à l'école. D'ailleurs, vous avez un site internet. Oui, un site internet, vigi-gender.fr. Très bien. Lors de cette émission, on va découvrir un petit peu comment vous avez chacune découvert cette théorie du genre, bien sûr. Je salue aussi tous nos auditeurs. Vous pouvez nous appeler ce soir et nous poser vos questions. Et mes invités y répondront. Peut-être avez-vous remarqué des signes de cette présence de la théorie du genre là où vous êtes, dans votre travail ou dans les écoles de vos enfants ou de vos petits-enfants. Eh bien, n'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00 ou bien par courriel à l'adresse suivante écoutedanslanuit@gmail.com. Alors, avant de commencer tout, on parle de la théorie du genre, mais est-ce qu'on pourrait donner une définition de cette théorie du genre, Marguerite Peters? Alors, Jean-Marie, je sais que les Français aiment les idées claires et distinctes, mais le problème de ce concept de genre, comme de tant d'autres concepts postmodernes auxquels se rattache et se relie le gender, c'est justement l'absence de définition claire. Mais on peut donc le décrire comme un processus de déconstruction de l'identité sexuelle homme-femme. Je n'emploie pas personnellement le concept, le mot théorie pour qualifier le gender. Je le qualifie plutôt d'un processus de déconstruction parce que nous sommes en postmodernité et la postmodernité a horreur des théories, justement. Le gender et donc considère que la maternité, la paternité l'identité sponsale, la féminité, la masculinité, la vocation éducative de la femme et la vocation éducative de l'homme. Tout cela sont des constructions sociales qui sont contraires à la liberté et à l'égalité citoyenne et par conséquent doivent être déconstruits par tous les moyens, par les lois, par la culture, par l'éducation. Voilà. Alors, peut-être au cours de l'émission, je vais utiliser quand même l'expression théorie du genre, mais vous me reprendrez bien sûr. Je vous pardonnerai. Pour nous dire que c'est un processus de déconstruction qu'on peut appeler le gender. Et avec vous, peut-être vous avez d'autres mots pour définir ce gender. Moi, comme je suis française, Pivet, peut-être que j'aime les théories, mais néanmoins, on peut simplement dire, pour rejoindre tout à fait ce que dit Marguerite, que la théorie du genre est la théorie qui définit le concept de genre que Marguerite vient de décrire. Donc, c'est une théorie qui est fondée sur le postulat qu'effectivement, toutes les différences entre les hommes et les femmes ne sont qu'une construction de la société. Ce serait par notre culture, notre éducation, ce que nous avons acquis, que nous serions faits hommes et femmes, en fait. Et le corps sexué ne dirait rien de notre personne, n'aurait aucune influence sur nos choix de vie, nos comportements, nos goûts, nos aptitudes. Ce ne serait qu'une construction de la société. Et donc, pour les pro-genres, ces différences entre les hommes et les femmes, pour eux, ce sont des inégalités purement construites pour asservir les femmes et les minorités sexuelles. Et donc, il faudrait pour eux arriver à déconstruire ces différences pour arriver à l'indifférenciation des sexes et des sexualités. C'est un peu le cœur du gender, arriver à cette indifférenciation des sexes et des sexualités. Mais encore une fois, la théorie, c'est ce qui définit le concept de genre. Alors, en 2013, sur l'avenue de la Grande Armée, plusieurs juristes ont intervenu pour nous parler du raz-de-marée de la théorie du genre qui anime plusieurs institutions françaises, européennes et internationales. Et moi-même, j'ai été assez choqué d'entendre ce que j'ai entendu. Moi, je vous propose d'entendre Patrice André, professeur de droit public. Alors, quand on parle de la théorie du genre, beaucoup de gens disent « c'est trop fumeux ». Qui peut croire une seconde à l'identité complète entre une femme et un homme? Eh bien, regardez l'actualité juridique, mais de votre vie quotidienne. Le 18 décembre dernier, on a supprimé la possibilité pour les femmes de payer des cotisations d'assurance moins importantes que les hommes, alors qu'elles ont un taux d'accident moins élevé. Pourquoi? Parce qu'il fallait imposer une égalité absolue en se fichant complètement de la nature. Deuxième exemple, dans les années 2000, les femmes pouvaient partir à la retraite avec une retraite proportionnelle après 15 ans de travail et elles pouvaient partir avec une jouissance immédiate. Cela a été remis en cause par la Cour de justice de l'Union européenne. Au nom de l'égalité, non, au nom de la théorie du genre, parce qu'on a considéré qu'il était aussi difficile pour un homme de regarder sa femme porter des enfants que pour la femme de les porter. Et c'est pour ça que, en tant que juriste, nous avons des choses à vous dire. Un programme complet a été adopté par le Premier ministre de la République française. Il est disponible sur Internet. Vous pouvez le consulter sur le site du ministère des droits de la femme, comme sur celui du porte-parole du gouvernement. Que dit ce programme? Que l'identité de genre doit être un axe désormais prioritaire. Prioritaire de toute action du gouvernement. Les inspecteurs du travail devront incorporer l'identité de genre à toutes leurs évaluations dans les entreprises. Ce principe devrait être mis au cœur de la charte de la fonction publique. Les partenaires sociaux devront l'incorporer aux avenants désormais. La question sera à l'ordre du jour de la conférence sociale. Les infirmiers, les médecins devront être formés sur ce point. Les maisons de retraite devront l'incorporer, sans doute pour faire comprendre aux personnes de 75 ans qu'elles ont peut-être cru à tort qu'elles étaient des hommes, mais qu'en réalité c'était des femmes. Les institutions représentatives des familles devront incorporer des représentants des familles homoparentales et une proposition de loi a d'ores et déjà été déposée. Les transsexuels pourront changer d'état civil sans opération chirurgicale, simplement par une déclaration. Je vous cite le programme. Je vous cite le texte de ce programme. Et enfin, dès l'école maternelle et l'école primaire, il faudra que des pédagogies soient mises en œuvre, et cela a été appris le 6 mars dernier, de façon à casser les stéréotypes, et qu'on apprenne aux petits garçons de l'école primaire et maternelle que ce sont peut-être des petites filles, et aux petites filles que ce sont peut-être des petits garçons. Voilà, c'était donc le professeur Patrice André, professeur de droit public, qui intervenait donc en 2013 sur cette théorie du genre pour mettre un petit peu en alerte sur la situation. Vous aviez déjà peut-être entendu, vous connaissiez déjà toutes ces situations qui ont été décrites à l'occasion de cet événement, Esther Pivet ? Oui, je connaissais absolument ce texte du gouvernement qui est le programme pour diffuser la théorie du genre dans l'ensemble des domaines de la société. Et je peux vous assurer que depuis 2012, en fait, la diffusion de cette théorie du genre est tout à fait hallucinante, exponentielle. C'est une véritable vague qui nous arrive dessus. Et en fait, je vais vous donner juste deux exemples pour vous pouvoir prendre conscience. Il a parlé effectivement du fait qu'on ferait penser aux enfants qu'ils ne sont peut-être pas un petit garçon, mais une petite fille. Il y a par exemple un spectacle qui circule en France depuis 3 ans qui s'appelle Mon frère, ma princesse, qui a été donné dans 100 villes de France. C'est l'histoire d'un petit garçon de 5 ans qui veut devenir une fille et qui dit que la nature s'est trompée, que le zizon, sa panse est mou, c'est comme un ver de terre et que ce petit garçon voudrait être comme Nina, sa sœur. Et on fait voir ce spectacle dans le cadre scolaire à des enfants dès 8 ans. Et donc, que vont penser les enfants quand ils vont sortir de là ? Mais si ça se trouve, ben je ne suis pas un garçon. Mais moi non plus, mais je ne suis peut-être pas une fille. Vous voyez. Ce sont dans les établissements publics ? Publics et privés. Enfin, je veux dire, je ne sais pas qui est allé voir quelles écoles exactement, j'en sais quelques-unes, mais voilà, ce sont les professeurs qui choisissent d'aller voir ce spectacle qui tourne dans toute la France, qui a été donné par 2 compagnies théâtrales. Et puis, autre exemple, pour voir tout de suite où on en est arrivé maintenant, je crois que depuis quelques semaines, il n'y a pas une semaine sans que j'apprenne qu'un jeune de l'ordre 12 à 15 ans veut changer de sexe, a commencé un traitement hormonal et qu'il y a un grand émoi dans l'école. Comment traiter ce cas-là ? Et que notamment une jeune fille de 15 ans, là, cette semaine, qui commence ce traitement hormonal, la voix commence à changer. Elle arrive à l'école en se bandant la poitrine et elle demande à ce qu'on appelle non plus Marie mais Pierre. Je change les prénoms, bien sûr. Les professeurs doivent l'appeler Pierre. C'est extrêmement violent pour les autres enfants et on dit aux autres jeunes « Mais c'est normal, mais tout va bien. » Il n'y a aucun problème. Voilà où on en est arrivé aujourd'hui. Et je pourrais vous en citer énormément comme ça. Marguerite Peters, par rapport à ce que nous venons d'entendre de ce professeur de droit public, vous confirmez qu'il y a vraiment ce désir de changer les institutions à partir de ce processus de déconstruction du gender. Oui, écoutez, ce qui me frappe, ne vivant pas en France, c'est que la France ne fait qu'appliquer, ne fait qu'être mouton de panurge, ne fait que s'aligner sur des politiques qui ont été déterminées au niveau mondial et qu'en s'alignant de cette manière sur les normes de la gouvernance mondiale, la France perd sa vocation et son caractère, sa spécificité. Le phénomène est un phénomène mondial. Hein. On pourra en parler au cours de l'émission et ça... On a commencé à en parler en France, je pense, vers 2012. Mais ça se préparait depuis bien longtemps. Et les gouvernements, les uns après les autres, ne font que s'aligner sur les normes de la gouvernance mondiale. Mais qu'est-ce qui anime cette gouvernance mondiale à agir de la sorte, Esther Peters ? Excusez-moi, Marguerite Peters. Eh bien, écoutez, si vous voulez que nous parlions maintenant de l'histoire, de l'introduction de ce concept au niveau de la gouvernance mondiale, j'étais présente à la conférence de Pékin de 1995, la 4e conférence des Nations Unies sur les femmes, où le mot « gender » a fait son entrée dans le document d'une manière tout à fait massive, en fait, remplaçant les terminologies traditionnelles de sexe, même le mot « mère hein, » est tout à fait marginalisé dans un document qui a plus de 250 pages et qui est censé représenter le consensus de tous les États membres des Nations Unies. Donc le mot « mère » est marginalisé et le mot « gender » est présent à tous les tournants. Alors, ce concept ne vient pas des gouvernements, des États membres, mais vient d'un courant idéologique féministe et homosexuelle qui donc avait travaillé sur ce concept de genre depuis plusieurs décennies et qui a voulu introduire ce terme à cette conférence pour que ce concept se répande mondialement. Alors, on va continuer cette émission en découvrant davantage sur cette historique, cet aspect historique que vous commencez à décrire, Marguerite. Mais je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir. Peut-être que vous connaissiez tout ce processus du gender. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous appeler ou nous écrire pour témoigner ou nous poser vos questions au 01 56 56 44 00. Le courriel, c'est écoutedanslanuit@gmail.com. Nous allons maintenant entendre un chant de la communauté de l'Emmanuel. Notre Dieu s'est fait homme. Radio Notre-Dame. C'est fait homme, c'était un chant de l'Emmanuel. Ce soir, nous parlons de la théorie du genre, ou plutôt du processus de déconstruction, appelé le gender, avec Marguerite Peters et avec Esther Pivet, qui vient d'écrire aussi un livre. Alors, vous avez toutes écrit des livres. Donc, Esther Pivet, le livre s'appelle « L'enquête sur la théorie du genre » aux éditions Arteges. Et le sous-titre, c'est « Comment les idéologues règnent encore sur l'école de nos enfants ?» Alors, nous en parlerons au cours de cette émission. Et Marguerite Peters, vous avez écrit plusieurs livres. Peut-être que vous pourriez en mentionner plusieurs que vous avez écrits sur cette question de... Oui, alors j'ai écrit un livre spécifiquement sur le gender qui s'appelle « Le gender, une norme mondiale » chez Fleurus Mam en 2013. Et j'ai écrit des livres qui se rapportent, enfin qui sont beaucoup plus, ça apporte à une problématique beaucoup plus large, la mondialisation de la révolution culturelle occidentale. Oui, parce que le gender n'est pas un phénomène isolé. Donc c'est pas un phénomène français, mais c'est une révolution sociale mondiale. Voilà. Alors vous étiez en train tout à l'heure de nous expliquer un petit peu l'historique. Peut-être on peut revenir à quelques siècles auparavant, savoir comment cette idée du gender a pu germer dans les esprits, Marguerite. Alors, oui, écoutez, le gender est le dernier fruit amer d'un très long processus de révolution culturelle qui a marché main dans la main avec la sécularisation, la perte de la foi en Occident. Et moi, je le fais remonter, figurez-vous, au XVIIIe siècle et à la Révolution française. Et à la fondation de la démocratie moderne occidentale sur toile de fond de déisme, parce que j'ai réfléchi aux conséquences politiques du déisme. Peut-être on peut rappeler ce qu'est le déisme. Oui, bien sûr. Donc le déisme, c'est de croire que Dieu est un grand architecte, qu'il a créé l'univers selon une intelligence supérieure, qu'il est raison, mais qu'il n'est pas père, qu'il n'est pas providence et qu'il se désintéresse complètement de ses créatures. Donc, une fois qu'il nous a créés, il nous laisse par nous-mêmes. Il n'y a pas de relation possible entre les créatures et Dieu. Donc, en réalité, c'est un Dieu abstrait, ce n'est pas une personne, c'est un grand architecte. Donc ça, c'est au XVIIIe siècle que s'est développé ce déisme. Jean-Marie, je ne sais pas si vous avez jamais réalisé que le déisme avait des conséquences politiques. Et moi, je l'ai découvert en allant en Afrique. Parce que, donc, au XVIIIe siècle, l'Occident a commis un acte d'apostasie. Il a tué la paternité en Dieu. Et ça, c'était un acte de méchanceté de l'Occident, vraiment un acte négatif. Et la démocratie moderne occidentale, aussi bien en France qu'aux États-Unis, qui sont les deux pays clés pour le gender d'ailleurs, a été donc fondée par des déistes. Tous les révolutionnaires en France et les pères de la démocratie occidentale américaine étaient déistes. Alors si Dieu n'est pas père, le citoyen de la démocratie moderne occidentale n'est pas une personne, il n'est pas un fils, il est un individu. Alors, les concepts d'égalité, de liberté, de droit, donc, se sont rapportés dès le départ à un citoyen qui était un individu. Et quand on est un individu et non pas une personne, on est indifférencié. Quand on est une personne, on est soit père, soit mère, soit fils, soit fille, soit... Alors, si vous me le permettez, j'aimerais vous raconter une anecdote. Je reviens d'Afrique, j'étais au Bénin il y a quelques semaines, et j'ai été donc sur le lieu où ont vécu les rois du Bénin. Et il y a un roi qui était devenu roi en 1789. Et alors, ce roi-là, il est mort martyr parce qu'il a voulu se faire baptiser et il a été assassiné par la prêtresse vaudou. Mais ce roi-là a fait une déclaration tout à fait extraordinaire et prophétique juste au moment de la Révolution française. Parce qu'il voulait avoir beaucoup d'enfants. Il est allé voir la prêtresse vaudou qui lui a dit « Oui, vous aurez beaucoup d'enfants à deux conditions. » Que vous n'appeliez personne esclave et personne roturier. Alors, quelques années plus tard, le roi, ayant eu des enfants, beaucoup d'enfants, a déclaré désormais tous fils, tous les citoyens des fils. Alors, si je me suis permise de raconter cette anecdote, c'est pour faire remarquer que en Afrique, ils ont donc résolu la question des privilèges sociaux par la filiation, par la déclaration que les citoyens sont des fils. Alors qu'en France, donc on résolvait cette question par la guillotine et par la déclaration d'une citoyenneté qui était, se rapportait à l'individu et non pas à la personne. Donc en ayant tué la paternité de Dieu, on a tué aussi donc, le rapport qui doit exister entre citoyenneté et personne faite par amour, personne qui est fils, personne qui est père, personne qui est mère. Enfin, je pense que vous pouvez déjà comprendre le lien de ce que je vous dis ici avec le gender, parce que c'est au nom de la liberté et de l'égalité citoyenne qu'on a revendiqué le droit au mariage pour tous, n'est-ce pas ? Et donc c'était une conception faussée des droits, de l'égalité, de la liberté, de ces valeurs démocratiques occidentales. Bon, ça c'est pour remonter très loin, mais je pense que c'est important de remonter aussi loin parce que le gender touche à une question qui est si profonde, qui est si fondamentale et qui touche à notre identité comme personne créée à l'image de Dieu. Alors, soit on accepte filialement notre identité, nous reconnaissons que nous avons un père et nous acceptons cette identité qui ne vient pas de nous, nous ne sommes pas nos propres créateurs. Soit on se comporte en fils rebelle, donc, et on va aujourd'hui jusqu'à rejeter et nier notre identité sexuée, mais au-delà même de l'identité sexuée, de l'identité de tout notre être, parce qu'il n'y a pas rien que l'identité sexuée, il y a toute la vocation de la personne, etc. Quand vous dites identité sexuée, vous parlez, voilà, c'est une invitation à ne pas reconnaître que les hommes sont des hommes et les femmes sont des femmes. Voilà, oui. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça, oui. À ne pas accueillir son corps sexué comme le recevoir d'un autre, de Dieu si on est croyant, le recevoir, et que notre corps sexué dit tout ce que nous sommes, en fait, révèle notre personne. Et donc, et au cours du 18e siècle et du 19e siècle, il y a eu des évolutions de ce, j'allais dire, de ce déisme. Oui, absolument. Karl Marx, qui était très intelligent, donc a dit au 19e siècle, que le déisme n'était qu'une manière commode de se débarrasser de la religion. Donc il a vu que le déisme conduisait à l'athéisme, parce qu'évidemment, si Dieu n'est pas providence, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait, s'il n'est pas père, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait à Dieu? Donc c'est tout à fait logique que le déisme ait conduit à l'athéisme. On a proclamé sa mort avec Nietzsche. Et d'ailleurs, le gender est très nietzschéen aussi, parce qu'il s'agit de prendre le pouvoir. Le gender, c'est une question de pouvoir. C'est l'homme qui se recrée lui-même, qui se redonne à lui-même par sa parole et ses actes, son identité. Donc le gender est très nietzschéen. C'est le salut par le pouvoir. On se recrée soi-même. Donc c'est une certaine dimension, j'allais dire, très subjective, pas très objective de la personne humaine. Le gender. C'est même au-delà de ça, je dirais. C'est encore plus grave que d'être subjectif, parce que la subjectivité peut être bonne, elle peut être bonne, oui. Mm-hmm. Oui, mais là c'est un acte vraiment, moi j'emploie le terme vraiment antichristique, parce que c'est un rejet de notre et c'est antichristique aussi parce que tous les théoriciens du gender comme Judith Butler et même comme John Money qui était le premier à utiliser le terme gender dans un sens idéologique en 1955 dit que le gender, le rôle selon le qui se traduit en français par rôle selon le sexe, il y a beaucoup de confusion dans les traductions. Souvent en français on emploie le mot sexe au lieu d'employer le terme gender. Mais donc John Money dit que le gender c'est ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et il y a une constante dans cette définition. On retrouve cette même définition chez Judith Butler plus de 30 ans plus tard. Donc le gender, c'est ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et ça, c'est vraiment antichristique parce que le Christ est le Verbe. Et vous savez qu'en hébreu, le mot davar, c'est à la fois la parole et l'acte. Et donc ici, l'homme veut par sa parole et par son acte qu'il associe. D'une manière qui est très juive, d'ailleurs, il veut se recréer lui-même. Il nie son identité comme s'il était Dieu. En fait, on est vraiment de retour à la Genèse. C'est vraiment le retour au, tout à fait. À la Genèse. Veut, l'homme veut se faire lui-même, ne s'accueille pas, n'accueille pas son corps. Et donc, gender, c'est je suis qui je veux, en fait. Et l'identité n'est plus donnée par le sexe biologique, par le corps, mais, par, mais je décide ce que je veux être. Donc, soit homme, femme ou autre. Hein, y a pas de raison d'être homme ou, de rester d'être homme ou femme. Et puis, donc c'est nos désirs, en fait, qui font notre identité. Ce n'est plus le corps. Et donc, ce n'est plus une identité immuable, mais une identité qui peut varier. Donc c'est notre désir donc, d'être homme ou femme ou autre, ou même notre désir sexuel, c'est-à-dire par qui nous sommes attirés, va définir notre identité dorénavant. Et donc c'est pour ça que maintenant on parle des homosexuels, des hétérosexuels, des bisexuels, des asexuels, etc. Il y a je ne sais plus combien, 100 ou 150 genres comme ça maintenant, qui définissent donc, les individus. Et c'est cette identité, donc définie par ce que nous voulons être ou par nos attirances sexuelles, eh bien, devient le fondement du droit. Et c'est pour ça que des droits sont revendiqués donc, par les militants LGBT ou par les militantes féministes radicales. Des droits attachés à l'attirance sexuelle ou des droits, effectivement, pour, comme disait le juriste qu'on a entendu, pour changer de sexe à l'état civil sans subir d'opération chirurgicale, droit qui est maintenant dans la loi française depuis 2016. C'est possible aujourd'hui de changer de sexe à l'état civil sans subir d'opération chirurgicale, donc sans devenir stérile. Et il suffit de prouver que, devant un juge, que c'est comme ça qu'on apparaît pour dans la société, que les gens nous considèrent comme de ce sexe-là. Et donc, vous imaginez bien que ça pose la question de savoir, par exemple, eh bien, un homme qui se dit femme, hein, qui est donc un corps d'homme, mais qui se dit femme dans la société, est-ce qu'il va aller encadrer une colonie de vacances avec des jeunes filles, par exemple ? Voilà, ou une femme qui se dit homme, si elle est en prison, où est-ce qu'on va l'incarcérer ? Ça pose la question du corps sexué. Ça pose vraiment. En termes médicaux, est-ce que un homme qui se dit femme, il va être considéré par le corps médical comme une femme ? Ou alors est-ce qu'on va prendre en compte son sexe biologique, le fait qu'il est en fait un homme, etc., etc. Oui. On est vraiment dans l'irrationnel. Hein. Quand on s'écarte du réel, c'est-à-dire de ce que nous sommes, on est dans les des élucubrations intellectuelles et dans l'irrationnel. Et c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué à expliquer, parce que ce n'est pas le réel. Et c'est tellement déroutant de vous entendre parler de cette réalité qui existe dans le monde, hein, de ce gender qui progresse dans toutes ces nations, que il est difficile de savoir comment on fait face à cela. Alors ça, c'est une question. Comment, par exemple, dans les écoles, quand un enfant revient de l'école et pose justement ce genre de questions à ses parents et puis met en doute son identité sexuée. Ah bien sûr, j'en donne deux exemples, deux témoignages dans mon livre. Un garçon qui rentre de l'école et qui se mure dans un mutisme total pendant 5 jours. Et sa mère ne pouvait pas le faire parler. Et au bout de 5 jours, il sort de son silence et il demande à sa mère « Maman, quand est-ce que je saurai si je suis vraiment un garçon ? Qu'est-ce qu'on lui avait dit à l'école pour qu'il pense cela ?» Voilà, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, un petit garçon de 3 ans et demi, maternel, qui était dans une école publique d'Île-de-France. Et qui rentre, il y a plusieurs reprises, dit à sa maman « Maman, quand je serai grand, on m'enlèvera mon zizi, on me fera un trou et je me marierai avec un homme. » Et donc là, les parents sont quand même un peu inquiétés, ont été parlé à la maîtresse qui a dit que oui, les enfants jouaient à ça dans l'école, enfin ils jouaient papa à la maman dans l'école, etc. Et en fait, l'enfant a dit que la maîtresse parlait de ça. Et donc les parents finalement évidemment retiraient leur enfant de l'école, l'enfant a arrêté de parler de tout cela. Et je voudrais dire avant de continuer, ça me semble important qu'il n'est pas question pour moi de mettre en cause les professeurs. La plupart et tous les professeurs veulent le bien des enfants, sinon ils ne feraient pas ce métier. Simplement, les professeurs qui diffusent la théorie du genre le font. Ce sont deux types de professeurs. Les professeurs qui sont d'abord militants du genre, et ça, ils sont nombreux et ils peuvent faire beaucoup de mal. Et ce sont par ailleurs les professeurs qui ne sont pas au courant de la manière dont se diffuse cette théorie du genre à l'école. On en reparlera peut-être tout à l'heure, puisqu'elle se diffuse de manière très sournoise, quoique de plus en plus de manière évidente et très claire. Et donc, ils diffusent cette théorie du genre malgré eux, pensant bien faire. Typiquement, quand ils parlent de l'égalité entre les garçons et les filles auprès des enfants et qu'ils participent à la déconstruction des stéréotypes sexuels, puisque c'est comme ça que cette théorie du genre se diffuse notamment, en lisant des livres qui inversent les stéréotypes sexuels auprès des jeunes enfants qui sont en pleine construction, ils pensent bien faire. Parce qu'on leur a expliqué, si vous voulez, que c'est de leur faute si les petits garçons et les petites filles se socialisent différemment et que eux-mêmes véhiculent ces stéréotypes et donc il faut déconstruire. Et on leur dit, si vous n'arrivez pas à prendre conscience de tout ça, c'est parce que vous-même, vous êtes formaté par ces stéréotypes depuis que vous êtes tout petit. Donc c'est normal que vous n'arriviez pas. Et donc il y a tout d'abord tout un travail de conscientisation des stéréotypes qui est fait auprès des professeurs pour qu'ils se remettent en cause. Et quand vous vous rendez compte jusqu'où ça va. Et donc la plupart des professeurs qui diffusent cela le font vraiment... pensant bien faire, voilà. Et puis encore, heureusement qu'il y a des professeurs qui ont les pieds sur terre, qui savent qu'un garçon, une petite fille, c'est pas la même chose, et qu'ils ont besoin de se structurer, ils ont besoin de repères, et que si on brouille tout le masculin et le féminin dans leur tête, c'est mauvais, voilà. Et vous parlez beaucoup dans votre livre, Esther Pivet, de la personne qui doit retrouver son unité. Ça revient régulièrement. Oui, puisque la théorie du genre, en fait, éclate la personne humaine ou l'individu en plusieurs dimensions. Vous avez donc l'identité de genre, donc je suis ce que je veux, homme, femme, autre, ça pourrait être girafe, cochon d'âne, j'en sais quoi d'autre, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit homme ou femme. L'expression de genre, c'est ce que je pars être par mon habillement, par ma façon d'être, c'est l'expression de genre. Ensuite, vous avez l'orientation sexuelle, l'attirance sexuelle. Donc, je suis attirée par les hommes, les femmes, les deux, aucun, etc., etc. Et puis, enfin, la sexualité, c'est-à-dire le sexe biologique. Et ces quatre dimensions dans la théorie du genre n'ont rien à voir entre elles, en fait. Notre sexe ne dit rien de notre identité. Notre sexe ne dit rien de notre identité de genre. Donc, nous sommes éclatés en quatre dimensions. Notre sexe n'a pas de signification. Le désir sexuel entre l'homme et la femme est une pure construction sociale. Et donc, vous voyez, ces quatre dimensions éclatent la personne qui, du coup, n'est pas unifiée. Et cette absence d'unification est une souffrance. Merci, Esther. Alors, on va vous retrouver dans quelques instants. S'il y a des auditeurs qui veulent réagir par rapport à nos échanges, vous êtes les bienvenus au 01 56 56 44 00. Et le courriel, c'est écoutedanslanuit@gmail.com. Maintenant, nous allons entendre un chant intitulé « Dieu notre Père, amour et charité ». Radio Notre-Dame. Thank you. C'était Dieu, notre Père, amour et charité, un chant liturgique. Ce soir, nous continuons notre émission avec Marguerite Peters, qui est consulteur du Conseil pontifical de la culture, ainsi que Esther Pivet, l'auteur d'un livre sur le genre, comme Marguerite aussi. Et en particulier aussi, vous travaillez avec cette association qui s'appelle Vigigender pour mettre des alertes sur ce qui se passe en France. Et Marguerite Peters, vous travaillez de façon plus particulière à l'international, parce que vous voyagez sans cesse, vous êtes au courant de pas mal de choses de par vos voyages. Et donc, comme nous sommes en train de parler de la théorie du genre, nous avons donné une définition tout à l'heure. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont pu donner une définition du gender ou de la situation actuelle, comme Moni, par exemple. Écoutez, Moni, comme je le disais tout à l'heure, c'est le premier qui a donné au mot gender une définition idéologique qui correspond à la définition actuelle. Et c'était en 1955. Donc vous voyez, il y a une longue histoire avant qu'elle n'arrive en France. Et je vais vous donner cette définition de Moni et je vous propose de l'analyser ensemble. Donc il définit le gender role comme toutes les choses qu'une personne dit ou fait pour se révéler détenteur d'un statut de garçon ou d'homme, de fille ou de femme respectivement. Le gender role inclut, mais n'est pas restreint à la sexualité interprétée dans un sens érotique. Alors je voudrais faire 5 remarques sur cette définition. La première, c'est que nous remarquons le réductionnisme anthropologique aberrant de cette définition parce qu'il réduit l'individu à un binôme corps d'un côté et rôle social de l'autre. L'individu, la personne ne serait que cela, comme si la personne n'avait pas de vocation transcendante à l'amour, au don désintéressé d'elle-même. Elle n'avait pas d'âme, de vie spirituelle, etc. Donc, c'est un schéma binaire tout à fait réducteur. Donc, première remarque. La deuxième remarque, c'est que ce binôme a un caractère dialectique. Donc, la personne est divisée en elle-même, étant donné que l'identité sexuelle doit pouvoir s'exercer contre le rôle social, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Donc la personne est intérieurement divisée, son unité anthropologique est brisée. Elle ne peut donc trouver de bonheur quand on est intérieurement divisé. Troisième remarque, en fait le gender est matérialiste parce que seul le corps a une identité stable, claire, concrète, objective, alors que le gender, lui, est fantasmagorique. Il est subjectif, incertain, fluide. Il dépend du choix de l'individu. Donc, si le gender n'accorde de réalité qu'au corps, il est matérialiste. Quatrième remarque, nous remarquons la vue éminemment négative que le gender a du corps sexué, puisque le corps emprisonne l'individu dans une détermination qu'il n'a pas choisi lui-même. Et le gender, en revanche, est la manière de se libérer de ce corps. Mais le corps est une prison dont on doit pouvoir se libérer par les choix, donc par ses paroles et ses actes, par le gender. Et la cinquième remarque est que, dès le départ, dès 1955, le gender inclut donc la possibilité d'une interprétation homosexuelle, puisque le Moni se réfère à la sexualité interprétée dans un sens érotique. Donc voilà. Très bien. Donc ça c'est l'approche la première définition idéologique du gender et qui sera tout à fait reprise par les idéologues qui suivront Moni. Alors qu'on va découvrir après, parce que nous avons une auditrice en ligne qui nous appelle du Gard. Bonsoir Adrienne. Oui, bonsoir messieurs, dames. Alors en fait, j'ai entendu ce matin une journaliste qui est madame Anne Dallaire de Radio Ecclesia. Et elle relatait effectivement les propos au niveau de Radio Vatican par un nouveau responsable qui justement traitait de ce thème. Et il disait bien qu'enfin, cette nouvelle façon de concevoir l'homme, et bien sur ce thème d'aujourd'hui, sur le gender, et ben, ça déconstruit l'anthropologie humaine. Alors en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, étant dans le milieu médical, on a eu ce fait d'une personne d'un certain âge avancé qui, en fait, avait souffert toute sa vie du fait de, lors de la crèche, dont elle a été donc dans la réalisation de. Quand elle était jeune fille, donc elle était déjà dans une problématique au niveau du sexe biologique, c'est-à-dire qu'elle avait, au niveau de son sexe, à la place du clitoris, elle avait une verge. Donc, à l'époque, ce n'était pas opérable et elle est restée en souffrance, comme vous disiez tout à l'heure. Elle avait une personnalité éclatée et elle était en état de souffrance. Mais, en fait, elle a gardé son identité, c'est-à-dire elle est restée ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme. Mais elle n'a pas pu, évidemment, réaliser sa vie telle qu'elle l'avait rêvée, quoi. Donc, voilà, c'était cette situation qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, ont des problématiques qui ne peuvent... À certaines époques, ou encore peut-être maintenant, c'est très critique qu'on puisse intervenir pour une intervention concerne le sexe, quoi. Mais qui n'est pas une recherche de vouloir changer pour un choix personnel, quoi. C'est une conséquence et les cas, on peut pas changer la destinée des gens. Voilà. Alors, il y a Esther Pivet qui voudrait réagir par rapport à ce que vous venez de nous partager, Adrienne. Oui. Oui, merci Adrienne pour ce que vous dites. Alors, en fait, vous faites... avec ce témoignage du cas des personnes dites aujourd'hui intersexuées, c'est-à-dire qui naissent avec une malformation au niveau du sexe anatomique qui ne permet pas toujours de déterminer de manière certaine, en tout cas sans erreur, le sexe de ces enfants. Et en fait, ça relève de la médecine. Et effectivement, c'est au médecin de déterminer, en fonction des autres critères qui permettent de déterminer le sexe de la personne, à savoir les gonades, donc les ovaires et les testicules, les chromosomes et les hormones, en plus du sexe anatomique. Ça permet de déterminer, on prend le sexe de cet enfant. Et aujourd'hui, le sexe est assigné à la naissance. Il y a un problème pour déterminer anatomiquement, les médecins réalisent l'opération qu'il faut pour... que le sexe soit conforme effectivement au sexe biologique de cet enfant. Et évidemment, ce n'est pas du tout une approche idéologique, hein, ça relève de la médecine. Et je comprends que cette personne ait été en souffrance en particulier. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que derrière ces personnes intersexuées, qu'on appelle aujourd'hui intersexuées, pourquoi ? Parce que, alors que normalement, avant, on disait que ces personnes avaient une ambiguïté sexuelle, donc ça relève de la médecine. Maintenant, les lobbyistes du gender les appellent les intersexuées. Pourquoi ? Parce que notamment au niveau européen, alors je ne sais pas si c'est au niveau mondial, j'imagine aussi, il y a un fort lobby qui pousse pour qu'on reconnaisse ces personnes comme étant... intersexués, donc ni homme ni femme, mais intersexués, et qu'il n'y ait pas d'opération pour leur assigner le sexe à la naissance, et que tous les États, en fait, prévoient dans leur législation non seulement les hommes et les femmes, mais aussi les intersexués, donc modifient toute la législation pour prendre en compte ces personnes-là. Donc c'est une dérive idéologique concernant ces personnes dites intersexuées, mais encore une fois, bien sûr, ces enfants qui naissent avec une malformation, c'est une malformation qui relève de la médecine et en aucun cas, ça devrait rentrer dans l'idéologie. Merci, parce que cette personne avait conservé son nom on lui avait donné un prénom de fille et elle a eu toujours cet honneur de toujours dire que c'était tel nom, tel prénom et qu'elle est restée femme à 100%, quoi. Absolument. Et c'est ça, je trouve ça vraiment très très beau parce que elle avait pour elle, c'était, ça avait été une révélation, mais elle était restée fidèle à ce qu'elle est. Voilà. Et aujourd'hui, si vous voulez, ces personnes, en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on va leur dire, eh bien, vous n'êtes ni homme ni femme, vous êtes intersexuée. D'ailleurs, la preuve, c'est le journal Science et Avenir du mois d'août titrait en première page « Le sexe, il y en a plusieurs, on peut en changer ». Et à l'intérieur, vous trouviez un article qui commençait par la phrase suivante « Non, l'humanité n'est pas constituée uniquement d'hommes et de femmes ». Donc justement, pour prendre en compte ces personnes dites intersexuées, intersexués. Et vous vous rendez compte de la violence que c'est vis-à-vis de ces personnes qui sont déjà, pour la plupart, qui ont une, par exemple les personnes qui ont une malformation chromosomique, qui ont plus de, par exemple, les chromosomes XXY, XXY, il y a plein de combinaisons possibles. Beaucoup de ces personnes sont stériles. C'est déjà assez douloureux comme ça. Et là, on leur ajoute une souffrance supplémentaire en leur disant bah, « Vous n'êtes ni homme ni femme, vous êtes un intersexué. » Voilà, c'est terrible. Ok. Écoutez, merci Adrienne. Merci à vous. Pour votre merci appel. C'est passé qu'on a là, mais c'est merveilleux ce que vous avez pu ce soir exprimer parce que ça touche les consciences. Oui. Merci à vous, bonsoir. Bonne soirée. D'ailleurs, nous avons une auditrice qui nous écrit, Sylvia, qui nous dit qu'elle ne s'est jamais penchée sur le sujet du genre, mais elle est abasourdie par ce que nous échangeons ce soir. Et ce n'est pas possible de laisser faire ça. Donc, peut-être c'est un appel à, peut-être à rejoindre l'équipe de ceux qui travaillent justement pour découvrir ce qu'est ce gender et puis pour mettre comment dire, des alertes ici et là, Esther ? Eh bien, moi, je dirais que c'est aux personnes informées, et si cette émission peut permettre d'informer les personnes, tant mieux. Quand on est informé, il faut parler. Parce que vous avez raison, Sylvia, ce n'est pas possible de laisser faire ça, surtout quand il s'agit de formater des enfants tout petits à l'école. En fait, moi, c'est ce qui m'a mise en mouvement il y a 5 ans, quand j'ai découvert que l'éducation nationale voulait introduire cette théorie du genre à l'école et le fait de manière magistrale depuis 5 ans sans que personne ne voit rien, ça me met hors de moi, parce qu'on ne peut pas faire ça aux enfants. Et vous avez raison, les parents doivent savoir. Et le problème, c'est qu'on a du mal à faire connaître cette diffusion de la théorie du genre, notamment à l'école. On a du mal à le faire connaître au plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, de manière à ce que les gens prennent conscience de l'ampleur de cette vague qui nous arrive dessus. Et quand on connaît ça, quand on voit ce qui est dit aux enfants en matière d'éducation à la sexualité, je pourrais en donner des exemples tout à l'heure, parce que c'est vraiment important de le savoir, on ne peut que se révolter. Et j'avais aujourd'hui au téléphone une maman qui habite au Luxembourg. Je peux vous assurer que le Luxembourg, c'est encore pire qu'en France. Et ils sont complètement démunis. Et je leur dis, et je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, mais il y a un moment, c'est plus possible, quoi. On va dire stop, qu'on laisse nos enfants tranquilles. Il faut qu'on arrive à trouver une manière de dire, voilà, on s'arrête là. On ne touche pas à nos enfants. Voilà. Très bien, merci Esther Pivet. Nous allons vous retrouver avec Marguerite Peters dans quelques instants. Je rappelle le numéro de téléphone pour participer à cette émission, 01 56 56 44 00. Vous pouvez également nous envoyer un courriel à l'adresse suivante, écoutedanslanuit@gmail.com. Nous retrouvons à 23h sur ce thème de la théorie du genre avec mes invités. Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. À la demande d'un grand nombre d'entre vous, nous avons refondu notre page de dons en ligne. Avec un formulaire plus facile à remplir et une navigation très simple, faire un don en ligne est devenu aussi facile que d'écouter la radio. Et c'est tant mieux, car le don en ligne nous permet d'optimiser nos coûts de fonctionnement. Alors je vous invite à vous connecter sur radionotredame.com, rubrique « Aidez-nous » et vous remercie d'avance pour votre générosité. Radio Notre-Dame. Thank you. Vous écoutez l'émission Écoute dans la nuit, il est 23h. Radio Notre-Dame. Bonsoir, c'est Jean-Marie Marsay. Ce soir, mes invités sont Esther Pivet, auteure d'un livre « Enquête sur la théorie du genre » aux éditions Artege. Et vous êtes aussi responsable d'un site internet, Vigigender, qui permet de s'informer sur le gender. La diffusion, Esther, de la théorie du genre à l'école en France depuis 5 ans maintenant. Et mon deuxième invité est Marguerite Peters, qui est consulteur du Conseil pontifical de la culture et très impliquée aussi dans ces questions du genre au niveau international. Voilà. Voilà, et que vous avez découvert cette théorie en 1994. Oui, en 95. En 95, oui. C'était à Pékin. Vous étiez à Pékin à ce moment-là. J'étais à Pékin, oui. C'est grâce à en fait l'action du Saint-Siège. C'est le Saint-Siège qui a été très vigilant à ce moment-là, et qui a eu vent de ce qui se cachait derrière ce terme de gender, qui a fait son apparition massive dans le document de Pékin, alors qu'il n'était pas utilisé avant dans le langage des documents onusiens. Donc, on rappelle peut-être pour ceux qui ont pris l'émission en cours, le gender, en deux mots, qu'est-ce que c'est, Esther ? Le gender, en deux mots, c'est une théorie qui affirme que l'identité sexuelle masculine et féminine est une pure construction sociale sans aucune influence du corps sexué. Et donc, nous nous définirions parce que nous voulons être ou par nos désirs sexuels et notre corps ne dirait rien de notre personne. Voilà. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est d'entendre une autre intervention d'un juriste qui a pris la parole en 2013, sur l'avenue de la Grande Armée, Patrice André, professeur de droit public. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel recevra des directives pour imposer que l'identité de genre soit à la télévision et à la radio. Et le ministère de la Culture devra valoriser l'histoire du mouvement LGBT par tous les moyens. Vous verrez qu'on vous dit que l'identité de genre, c'est 3 éléments. Le sexe biologique, l'identité qu'on s'accorde et l'orientation sexuelle. Ça veut dire que si je suis un homme, je peux décider d'être une femme. Et si je vais être une femme parce que j'ai une orientation sexuelle vers les femmes, je deviens lesbienne. Et si je vais un homme qui a décidé d'être une femme, je suis hétérosexuel. On rit quand on entend ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée est de subvertir complètement toute possibilité de différenciation entre les sexes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est, avec quelques citations malgré tout très rapides, en quoi cela consiste. Je vais vous lire simplement les théoriciens du genre. Nous devons assurer l'élimination des classes sexuelles. Le but définitif de la révolution féministe doit être, à la différence du premier mouvement féministe, non seulement en finir avec le privilège masculin, mais encore avec la distinction même des sexes. Les différences génitales entre les êtres humains ne doivent plus avoir d'importance. Et on ajoute, le rapporteur de l'ONU à la conférence de Pékin, il n'y a plus 2 sexes, il y en a 5. Les femmes homosexuelles, les femmes hétérosexuelles, les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels et les bisexuels. À l'ONU, c'est ce qu'on nous dit désormais. Une autre militante indique « Notre but, c'est d'en finir avec la division sexuelle du travail dans lequel la femme est mère. » Ils nous disent « Les femmes n'ont plus le droit d'être mères. Il faut que tous les hommes, quel que soit leur sexe actuel, puissent le devenir. » Et donc, la filiation, c'est désormais subjectif. Je décide d'être père, on ne peut pas m'imposer. Au Sénat, le 12 septembre 2012, Madame Eccari, dans un débat public, a déclaré « L'union naturelle entre un homme et une femme, c'est une violation des droits de l'homme, c'est une violation de l'amour. Vous vous rendez compte ?» Je termine simplement pour vous dire la chose suivante, c'est que cette société que l'on nous présente, à terme, on dira aux femmes qui veulent avoir un enfant naturellement, mais c'est un caprice de votre part, c'est une atteinte aux droits de l'homme, à la dignité de la femme. Vous devez désormais procréer par des GPA, par des PMA. Eh bien, nous disons non, on ne peut pas nous imposer cela. Je termine simplement en vous disant la chose suivante. Ce débat divise la France entière. Ce débat divise les familles. Alors nous, nous accusons. Nous accusons une minorité LGBT, infime, de manipuler les bébés de pouvoir dont elle s'est emparée. Nous accusons cette minorité de manipuler des hommes politiques trop crédules. Nous en accusons de profiter de subsides des banques internationales. Et nous les accusons de trahison de l'humanité, purement et simplement. Et aujourd'hui, ce sera mon dernier mot, nous sommes devant le tribunal de la nature, de la raison. Nous les convoquons de ce tribunal qui est aussi celui de la bonté, de l'amour, parce que enfin, c'est l'union de l'homme et d'une femme, que l'est tout. Et cela, nous ne, on ne nous l'enlèvera pas. C'était donc Patrice André, un professeur de droit public qui prenait la parole. Alors, il a abordé plusieurs questions. Moi, j'aimerais que vous puissiez nous en dire un petit peu plus sur l'Organisation des Nations Unies, Marguerite Peters. L'ONU a un rôle, effectivement, dans cette diffusion de la théorie du genre. Vous en parliez un petit peu au début de cette émission. Mais l'ONU est le moteur, le point de départ. C'est-à-dire que l'ONU c'est... Plus exactement, la gouvernance mondiale. Qu'est-ce que la gouvernance mondiale ? C'est l'ONU plus toutes les ONG et les acteurs non étatiques qui partagent le même point de vue idéologique. Et donc, le point de départ a été cette conférence de Pékin. Après la conférence de Pékin, le gender est devenu la priorité transversale des Nations Unies. Dans son ensemble, c'est-à-dire incluant l'UNESCO, qui est l'agence de l'ONU pour l'éducation et la culture, le gender a été intégré et est devenu une des priorités de l'UNESCO, qui a commencé à produire des manuels pour la formation à l'égalité des sexes, gender equality, dès après la conférence de Pékin. Le gender a été aussi intégré dans les politiques de l'OMS, qui est l'Agence des Nations Unies pour la Santé, et dans toutes les agences des Nations Unies. On a appelé ça le gender mainstreaming, c'est-à-dire l'intégration transversale de la perspective du genre dans tous les programmes onusiens. Et bien au-delà de l'ONU, dans les programmes de toutes les organisations internationales de l'Union européenne, qui a d'ailleurs aussi participé à la conférence de Pékin d'une manière très, très proactive. Et qui a... voilà, donc... Il y a quelques années, il y avait aussi l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, qui a fait un document sur les standards de l'éducation sexuelle dans le monde. Et en Europe, c'était en Europe. C'était en Europe. Mmh. Peut-être donc, que vous pouvez en parler, Esther Pivet. Oui, ce document donnait de 0 à 15 ans, dans le détail, ce qu'il faudrait que les États et par l'école apprennent aux enfants en matière de sexualité. Donc c'était extrêmement détaillé. Et ce document... C'était détaillé et assez choquant. J'ai assez lire choquant. Donc déjà, par exemple, entre 0 et 4 ans, il faudrait apprendre aux enfants la masturbation infantine précoce, effectivement. Et puis leur apprendre très très vite l'homosexualité, l'amour entre personnes de même sexe, etc. etc. Et en fait, ce document a été le document de référence de l'éducation nationale pour l'éducation à la sexualité jusqu'à la rentrée dernière. Il a été enlevé par l'éducation nationale parce qu'il y a quand même eu une levée des parents et surtout de médecins qui ont lancé une pétition en juin 2017 au sujet de ce document, alertant vraiment sur c'est les ravages que ça allait engendrer. En fait, c'est une sexualité hédoniste, hein, purement, voire pornographique, que prône ce document. Et ce document a été enlevé de l'éducation nationale, enfin des ressources officielles, mais l'éducation à la sexualité à l'école reste totalement hédoniste, hein, une sexualité pour jouir. Si vous voulez, je continue sur ce sujet. Je vais vous dire, puisque depuis 2016, l'éducation à la sexualité à l'école a totalement changé de paradigme sous l'impulsion du Haut Conseil à l'égalité pour les femmes et les hommes, qui a fait un rapport sur l'éducation à la sexualité dans lequel il écrit, je cite, « Il est temps de changer de paradigme et de passer à une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel et fondée sur l'égalité des sexes et des sexualités. » Donc vous voyez, La sexualité qui est visée maintenant à l'école, c'est une sexualité pour jouir en toute sécurité afin d'améliorer ce qu'ils appellent la santé sexuelle. La santé sexuelle, donc, c'est d'avoir une sexualité sans risque et qui donne pleine de plaisir. Donc ce n'est absolument pas une sexualité faite pour le don de soi et pour la communion. Et en fait, cette nouvelle vision de la sexualité, l'éducation à la sexualité à l'école, se diffuse maintenant dans certaines écoles sous l'impulsion de l'éducation nationale. Et c'est en fait absolument dramatique. Si je peux donner un exemple, pardonnez-moi si je vais choquer, chers auditeurs, mais demander à une jeune fille de 11-12 ans, sans la prévenir devant toute la classe, de mettre un préservatif sur un pied de chaise renversé, c'est quand même une intrusion abominable dans son intimité. Marguerite Peters. Oui, alors je voudrais mentionner que l'UNESCO a sorti l'an dernier un document qui s'appelle « Les principes directeurs internationaux sur l'éducation à la sexualité, une approche factuelle ». C'est un document qui a été approuvé par l'ensemble du système onusien, ONU-SIDA, ONU-FAM, l'OMS, l'UNICEF, le FNUAP, et aussi tous les partenaires non étatiques de l'ONU, et en particulier évidemment le planning familial international qui en est le rédacteur réel. C'est un document qui se veut normatif mondialement, non seulement pour les ministères de l'éducation, tous les ministères de l'éducation du monde, enfin de tous les États membres de l'ONU, c'est-à-dire de presque tous les pays du monde, non seulement pour les ministères, mais aussi pour les écoles individuelles, pour tous les éducateurs en matière de sexualité. Et on ne saurait mesurer suffisamment la gravité extrême de ce qui est en train de se passer dans ce domaine de l'éducation sexuelle dans le monde entier. On est en train de perdre une génération dans les pays non occidentaux. On a déjà perdu, si on peut dire, entre guillemets, la jeunesse en Occident depuis les années... Je partage tout à fait ce que vous dites. Il a suffi d'une génération en Occident, la génération de 68, pour faire basculer une civilisation. C'est la génération 68 qui a fait basculer l'Occident, parce que c'est après 68 qu'on a légalisé toutes les lois de la contraception, l'avortement, la fécondation in vitro, jusqu'au mariage pour tous. Et là aussi, c'est un long processus. Le juriste parlait aussi de la PMA, la GPMA, qui sont aussi vont être des conséquences de cette avancée du gender. Tout à fait. Et puis alors, l'euthanasie est dans la même logique. Je voulais dire que bon, quand j'ai entendu ce juriste, j'ai pensé que le démon est homicide et il est en train de parvenir, à tuer vraiment l'homme. Culturellement, l'Occident a commencé par tuer le père, avec Freud qui a considéré que le surmoi, le père, était la source de la répression sexuelle, de la répression des pulsions. Et puis il y a eu tout ce courant féministe qui a culturellement tué la mère, puisque la mère, la fondatrice du planning familial international, Margaret Sanger, a déclaré que il fallait libérer la femme de l'esclavage de la reproduction. Et donc c'est la fondatrice du planning qui a dit ça, et c'est la même philosophie qui est maintenant répandue dans le monde entier, partout là où cette organisation mortifère agit. Et puis, avec la révolution de mai 68, on a culturellement tué l'époux. Donc on voit qu'on a tué toutes ces dimensions fondamentales de l'être humain. Et c'est dans ce contexte-là que le gender a été fabriqué, puisqu'on avait désertifié les sociétés occidentales du père, de la mère, de l'époux, de l'enfant. Et donc, on fabrique un nouveau citoyen qui est après avoir tué ce que nous étions. Mais pour en revenir à ces principes directeurs de l'UNESCO sur l'éducation à la sexualité, j'ai lu ce document deux fois. Ces documents onusiens sont très rébarbatifs et il faut vraiment les analyser pour comprendre la gravité de ce qui est en train de se passer. J'ai réalisé qu'on voulait vraiment utiliser la génération actuelle d'enfants et de jeunes pour faire advenir une nouvelle société mondiale, non seulement de tolérance, mais d'acceptation, c'est le mot qui est employé dans le document, de la diversité de tous les styles de vie sexuels. Alors, j'ai toujours porté attention au langage utilisé dans ces documents. Ils innovent au niveau du langage. Ils innovent. Alors, c'est très intéressant de voir les mots qui sont absents de ces documents et les mots qui sont mis en avant. Alors, on parle de relations, parce que c'est éducation à la sexualité, de relations sexuelles, mais pas une seule fois dans le document. Ces relations sont-elles qualifiées comme étant entre une fille et un garçon ou un homme et une femme ? Et donc, et dès l'âge de 5 ans, en fait, l'UNESCO exerce une pression sur tous les ministères de l'éducation pour qu'ils établissent un curriculum tout à fait officiel d'éducation sexuelle qui commence à l'âge de 5 ans, qui se termine à l'âge de 18 ans, avec un programme très bien construit, très bien pensé, d'année en année. Et on veut, dès l'âge de 5 ans, donc on déconstruit les stéréotypes, évidemment, de genre, de sexué, mais on apprend aux enfants donc qu'il existe différentes formes de parents, différentes formes de mariage, différentes formes de famille, qu'elles sont toutes de valeur égale, qu'il ne faut pas discriminer, etc. Et on demande, il y a des exercices pratiques pour les enfants. Et ce qui est très grave dans ce curriculum, dans ce processus, c'est que on demande, on exige l'adhésion de la conscience de l'enfant. C'est non seulement que l'enfant doit tolérer, mais il doit accepter. C'est criminel en réalité, oui. Parce que on détruit vraiment l'âme des enfants. Oui. L'enfant doit accepter, et on lui donne des exercices pratiques pour qu'il s'engage, qu'il engage sa conscience. Oui. Et on apprend aussi à l'enfant. L'enfant est traité comme un citoyen qui a les mêmes droits que ses parents. Donc on déconstruit complètement. Les parents n'ont plus aucune autorité, les enfants non plus, ne leur doivent plus obéissance. Ce sont deux mots qui sont évidemment totalement absents de ces documents. Et l'enfant et l'adolescent, une fois qu'il commence sa vie sexuelle, on lui apprend des techniques de négociation pour qu'en fait, il convainque, il arrive à convaincre ses parents qu'il a des droits et qu'il a le droit de penser différemment de ses parents. Donc, c'est vraiment un exercice de déconstruction de la confiance et de l'autorité parentale. Hein. Et c'est vraiment très grave au niveau moral. Et donc, si vous avez connaissance de ce qui se passe dans vos écoles, vous avez des exemples à nous donner, n'hésitez pas à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 ou par courriel. Alors, il y a déjà des personnes qui nous demandent où se renseigner. Alors, il y a des sites, un site internet qui s'appelle Vigigender. Oui, sur le site écoleetsexe.fr aussi, je crois. Et puis, dans mon livre, j'ai tout un chapitre sur l'éducation à la sexualité que j'ai absolument tout analysé. Et je peux vous dire que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes dit qu'il faut ouvrir le champ des possibles en termes de comportement et de désir pour les générations futures. Voilà, donc pour nous contacter, vous pouvez le faire également par courriel à l'adresse suivante écoutedanslanuit@gmail.com. Posez vos questions, donnez-nous vos témoignages. Je rappelle le téléphone 01 56 56 44 00. Nous allons maintenant entendre Anne Silla qui interprète le rôle de la Vierge Marie qui chante l'adieu. Radio Notre-Dame. Qui te sert C'était un chant composé par Pascal Obispo, interprété par Anne Silla, l'adieu. Et donc, c'était des paroles qui étaient mises dans la bouche de la Vierge Marie, comme on le dit dans la Bible, de la femme. Jésus s'adresse à Marie, à femme, à deux reprises, à l'occasion des noces de Cana. Et lorsqu'il est sur la croix, il confie à Saint Jean, qui représente tous les croyants, eh bien, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Alors, pour venir justement sur ce thème de la maternité, en lien avec la théorie du genre que nous abordons ce soir avec Esther Pivet et Marguerite Peters, à l'école, la maternité, est-ce que la maternité est bien mise en relief ou comment est-elle abordée avec ses enseignements sur le genre ? Bien, la maternité, en fait, fait partie des stéréotypes sexués à détruire. Et la maternité est totalement dévaluée. Alors, bien sûr, pas dans toutes les écoles, je rassure les auditeurs, mais de manière certaine, par certains professeurs. Et je peux vous citer, par exemple, un livre qui a été écrit par des élèves dans le cadre d'un concours qui est organisé chaque année depuis 10 ans en Île-de-France. C'est le concours Talent Haut qui consiste à faire écrire aux enfants un livre non sexiste, c'est-à-dire un livre qui inverse les stéréotypes sexués. Et voilà ce qu'ont écrit des enfants de CPCE1 l'année dernière. Ils ont écrit le livre Sacha et Camille. Je cite juste une des strophes. Écoutez bien, Sacha est une fille. Elle adore jouer aux billes. Mais elle déteste les poupées que sa maman a achetées. D'ailleurs, Sacha ne veut pas d'enfants. Elle ne trouve pas cela intéressant. Elle voudrait être militaire comme son père et son frère. Vous avez résumé dans cette strophe en fait tout ce qu'on veut inculquer aux enfants, à savoir que seules les valeurs masculines sont désirables. Elle veut être militaire comme son père et son frère. Par contre, la valeur féminine qu'est la maternité, Sacha ne veut pas d'enfants, elle ne trouve pas cela intéressant. Voilà, la maternité est dévaluée. Et vous vous rendez compte, le message qui est envoyé aux enfants, vous n'êtes pas intéressant. Voilà. Et ça, je peux vous en citer des tonnes, des exemples comme ça. Donc la maternité est dévaluée. Et pour revenir peut-être sur l'éducation à la sexualité, puisque des auditeurs demandaient où ils pouvaient se renseigner, je les invite à consulter le site onsexprime.fr, puisque c'est le site recommandé par l'Éducation nationale aux enfants, aux élèves dès la 6e. Donc vous l'appelez comment ce site ? Onsexprime, onsexprime.fr. Et il y a des affiches qui sont envoyées aux établissements scolaires qui doivent afficher, donc avec force pénis, vulve, sein, etc. sur les affiches pour inviter les enfants à aller voir ce site. site où les enfants pourront voir toutes les positions possibles, toutes les précautions à prendre, où ils pourront voir sur ce site que l'amour n'existe pas, que chacun invente une histoire d'amour. Ça n'existe pas, l'amour, en fait. On a plusieurs amours, etc. Et donc, c'est un site quasiment pornographique, il me semble. J'invite vraiment les parents à aller voir ce site qui est dans les manuels scolaires en SVT dès la 5e. Et puis, comme je le disais, promu auprès des adolescents par Force Affiche dans les collèges. Est-ce que dans votre livre, Esther Pivet, donc le livre Enquête sur la théorie du genre aux éditions Artege, vous faites référence de tous ces points-là? Mais oui, ces parce qu'en fait, tout ça, c'est lié, puisque le genre considère que notre corps sexué n'a aucun sens, que le corps sexué finalement n'est qu'un objet et un objet pour jouir. Et donc c'est un objet pour jouir et donc eh bien, l'éducation à la sexualité, ça va être quoi? Ça va être une éducation à tous les comportements sexuels puisque tout est équivalent, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est pareil. Je vais vous donner la définition de la sexualité donnée par l'éducation nationale dans un petit livret distribué aux adolescents. Écoutez bien, la sexualité c'est utiliser son corps pour prendre du plaisir seul ou à plusieurs personnes. Utiliser son corps, c'est-à-dire que nous sommes réduits, nous réduisons les enfants et toute personne à l'état d'objet. Et donc, la sexualité, c'est juste prendre du plaisir, on est juste consentant, on se protège. C'est juste une partie de tennis, si vous voulez. Voilà. Et donc, tous les comportements sont possibles, tout seul, à deux, à plusieurs, entre personnes de même sexe ou non. Voilà, aujourd'hui, l'éducation à la sexualité qui est prônée par l'éducation nationale. Alors, Marie-Thérèse de Cahors nous pose la question, quelle est la position du ministre Jean-Michel Blanquer? Alors, Jean-Michel Blanquer, je lui ai envoyé en avril 2018 tout un dossier où j'analyse toutes les ressources de l'éducation nationale qui sont mises à disposition des professeurs sur les sites Eduscol et Canopée en matière de sexualité, égalité, mixité. Toutes ces ressources sont établies par des personnes militantes du genre, des sociologues pro-genre, et c'est infesté de théories du genre. Et je n'ai eu aucune réponse. Monsieur Blanquer a simplement dit, lors d'une interview, que les ABCD de l'égalité, qui étaient ce dispositif pour détruire les stéréotypes auprès des enfants il y a 5 ans, eh bien, il a dit que cet ABCD de l'égalité n'était pas bon, tel qu'il était fait, et qu'il fallait apprendre le respect entre les garçons et les filles, que ça suffisait en matière d'égalité, ce qui est tout à fait exact. Et je me suis dit, chouette, ça va changer. Eh bien non, les outils pour l'égalité qui ont remplacé l'ABCD de l'égalité sont toujours en vigueur, et j'invite les parents à aller voir le site des outils pour l'égalité filles-garçons, et de se rendre compte, en fait, de ce qui est donné à faire à leurs enfants, toujours pour détruire les stéréotypes sexués. Alors, merci Esther. Nous avons un auditeur qui nous appelle de Fontenay-aux-Roses. Il s'agit de Gilbert. Oui. Bonsoir monsieur. Bonsoir Jean-Marie. Oui, je vous appelle de Fontenay-aux-Roses. J'entends cette émission avec beaucoup d'intérêt. Je suis un monsieur qui a 82 ans. Mais tout ça me rappelle la manifestation, la manif pour tous de mars 2013, où j'ai assisté avec parmi les 1 500 000 personnes. Et ça va dans exactement dans ce que disent ces deux dames qui sont très sensibilisées par ce problème. Mais exactement, moi aussi, je suis sensibilisé par ce double problème, la GPA-PMA, et puis surtout le transgenre. Et en fait, dans cette manif pour tous, j'ai entendu exactement ce que vous disiez. Il y a des gens qui ont dit « Toubira, je ne veux pas t'appeler papa. Président, je ne veux pas t'appeler maman. » Ensuite, j'ai entendu plus loin, j'ai une pancarte long. « Non, l'enfant n'est pas un droit. Non, pas le droit à un enfant, mais le droit de l'enfant. » Donc tout ça va dans le sens que, si vous voulez, à l'époque et toujours, je pense que beaucoup de gens sont sensibles, et pas pour en ce qui concerne le genre. Parce que le genre, moi, je l'ai entendu aussi dire que c'est dans les pays en Norvège, entre autres, ou en Suède, on apprend aux enfants, on les maquille, par exemple, le matin, un garçon, on l'habille en fille. Et on lui donne une identité de fille, et inversement pour une fille, on l'habille en garçon. Et c'est la destruction de la personnalité de l'enfant. C'est horrible. Je remercie ces deux dames qui s'intéressent vraiment à ce problème. Je ne sais pas si ça réveillera le ministre de l'Éducation internationale, parce que à l'époque, il faut se souvenir que Madame Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, elle avait laissé passer quelques personnes en catimini commencer à apprendre à des élèves le genre. Et ce sont des parents qui s'en sont aperçus, et ça a tout de suite monté à la surface, et à ce moment-là, il y a eu une réaction assez forte des parents. Moi, je pense que, puisque Monsieur Blanquer, qui est un monsieur très bien, j'apprécie ce qu'il fait, je pense qu'à ce moment-là, il faut resensibiliser les parents et leur montrer, et votre émission est très formidable en ce sens, le danger que courent leurs enfants et la société. Voilà, qu'est-ce que pensent ces dames autour de moi, à côté de vous ? Oui, mais comment reconstruire la société face à cette théorie du genre, Esther Pivet ? Mais j'aimerais tellement, cher monsieur, qu'effectivement les parents soient conscients de tout ça, mais comment les informer ? Cette émission y participe, mais le travail est considérable. Et si vous saviez, si depuis 2012, il y avait les ABCD d'égalité, mais maintenant, la théorie du genre s'est infiltrée dans toutes les matières, enseignement moral et civique, en sciences et vie de la terre, en sciences économiques et sociales, c'est absolument partout. Donc, il faut qu'il y ait une prise de conscience généralisée et que les parents se lèvent. Oui. Mais qu'on se lève tous. Mais pour ça, il faut qu'ils s'intéressent. C'est qu'ils ne sont pas au courant. Mais comment les mettre ? C'est à chacun maintenant, chaque personne qui écoute là, parle de ça à 5 personnes autour d'elle, à 10 personnes. C'est à nous d'informer. Ah oui. Mais le problème, c'est que, et c'est ça qui me veux le dire, hein, ça me détruit, parce que de voir les enfants qui sont manipulés comme ça, c'est extrêmement douloureux. J'ai failli arrêter à plusieurs reprises, et à chaque fois que j'ai failli arrêter parce que je n'en pouvais plus, eh bien j'avais un mail dans ma boîte mail d'une personne d'Autriche, d'une personne de Suisse ou de Belgique me disant « Je suis tombée sur votre site par hasard, c'est incroyable ce que vous faites, il n'y a pas ça dans notre pays, continuez. » Et je les ai remerciés parce que grâce à elles, je n'ai pas abandonné. Mais encore hier, je me disais mais il y a une telle vague qui nous arrive dessus, c'est trop difficile, quoi. Et donc, voilà, je... Mais c'est vrai, madame, mais vous n'êtes pas seule, parce que finalement, je vous assure, écoutez, moi j'étais, j'avais 77 ans, j'étais dans cette manifestation avec ma caméra, parce que je suis un monsieur qui filme depuis pas mal de temps, hein, je fais des films pour une association et tout ça, j'ai d'ailleurs fait un film là-dessus, mais c'est un film que j'ai pris en entendant ce que disent les gens, que disent aussi bien les enfants que les parents, les grands-parents, ce que je vous ai dit, non, tout virage, tu n'es pas ma maman, tu n'es pas mon papa, je l'ai entendu, je l'ai enregistré. Et c'est vraiment c'est un document qui dit comment les gens sont révoltés à l'époque. Je suis d'accord, en monsieur. Fait, vous avez, il faut réveiller ces gens-là. C'est peut-être les gens de la Manif pour tous, on leur reproche d'avoir fait de la politique, mais en fait, ce sont des gens, des chrétiens, entre autres, beaucoup, qui ont eu le souci de leur famille, le souci de leurs parents, le souci de dire quelle société on se prépare. Et ça, si vous voulez, c'est auprès de ces gens-là, je pense qu'il faut réveiller, sans faire de politique, c'est pas la politique qui m'intéresse, moi. C'est les gens, la société, la vie dans une famille. Et à ce moment-là, réveiller les gens qui sont peut-être, ils se sont pas endormis. On les a mis, on les a étouffés un petit Absolument. Peu. Mais il faut que ceux qui se réveillent, c'est eux que vous devez aller voir. Oui. Et, vous savez, madame, vous allez me donner votre nom tout à l'heure, je vous enverrai le film, et vous verrez, c'est un document que moi j'ai pris avec mon cœur, parce que j'ai entendu tout ça et je l'ai monté. C'est tel qu'en live, hein, c'était le matin depuis le 8h même du matin jusqu'au soir à 24h. Donc c'est vraiment... Gilbert, je vais vous répondre. Bien sûr, voilà, vous avez raison. Gens, si vous, vous avez raison, la majorité des Français sont contre cette théorie du genre, sont contre cette loi Taubira. Pourquoi ? Parce que la majorité est contre, mais c'est la majorité qui est maintenant silencieuse. Elle a été étouffée avec force. Vous êtes homophobe. Et moi, sur cette radio, même à Notre-Dame, je me suis exprimée il y a quelques semaines et une auditrice m'a traitée d'homophobe. Eh bien, il faut réfuter ces arguments. Ce n'est pas possible. C'est un argument pour nous faire peur, pour qu'on ne parle plus. Et c'est inadmissible. Et dire à nos enfants, à l'école, parce que maintenant c'est dit, c'est même dans les manuels scolaires, que l'hétérosexualité et l'homosexualité sont du même ordre, que c'est la même valeur, ce n'est pas possible. Et ce n'est pas être homophobe que de dire ça, simplement ce n'est pas la réalité. Et donc on n'a pas le droit de dire ça à nos enfants. Et donc il faut refuser d'être traité d'homophobe. Et le problème, c'est que cette majorité silencieuse, et c'est le cas dans toutes les idéologies, c'est que la majorité silencieuse est étouffée, ne peut plus parler, et c'est dramatique. Voilà. Et je suis d'accord avec vous, la majorité des Français est contre. Oui, mais mais ça, mais là, si vous voulez, de toute façon, il faut réveiller tous ces parents, pas uniquement chrétiens, parce que si vous voulez, pour vous dire, moi, je suis un monsieur qui est né au Maroc, je connais bien l'arabe, j'y suis servi, j'étais bon, vraiment copain avec, bien qu'étant chrétien, avec les musulmans, notamment au Maroc. Eh ben, j'ai entendu moi des musulmans et des musulmanes qui sont venus à la manif pour tous, parce que eux, il fallait pas leur parler d'abord de l'homosexualité, ça les mettait hors d'eux, mais c'est surtout ce qu'on faisait des enfants. Bien sûr. Et vous avez pas uniquement les chrétiens, mais vous avez beaucoup de gens dans notre religion qui sont sensibles à votre argumentation. Il faut les réveiller. Tout mais simplement. La majorité des personnes, simplement, ils sont de plus en plus, ils n'osent plus prendre la parole, et peu à peu, ils se font à l'idée que finalement, bah, peut-être certains, en tout cas, ils se disent, bah, finalement, oui, peut-être que c'est bien comme ça, et voilà. Et on endort les consciences au fur et à mesure. Voilà, d'accord. En tout cas, merci beaucoup Gilbert de nous avoir appelé. Ne vous découragez pas. Continuez votre œuvre d'information. Et puis, comme le disait Esther, n'hésitez pas à communiquer sur ce que vous entendez autour de vous, à plusieurs personnes. C'est important d'en parler, effectivement, pour que les choses soient connues. Alors, on parlait de l'ONU, de cette gouvernance mondiale, Marguerite Peters, puisque vous travaillez au niveau international, et puis vous êtes aussi une représentante du Conseil pontifical pour la culture. Au niveau international, donc cette théorie du genre avance. Au niveau européen, c'est la même chose, Marguerite ? C'est chou vert et vert chou, Jean-Marie. Non, l'Union européenne a joué un rôle de moteur à la conférence de Pékin, parce qu'à l'époque, il y avait Clinton était en train on était en période électorale aux États-Unis, et l'administration américaine n'a pas voulu pousser trop sur des sujets qui étaient délicats, et donc a laissé la Commission européenne, qui parlait d'une seule voix, l'Europe parlait d'une seule voix, c'est-à-dire que la France, des différents pays européens n'avaient pas le droit d'avoir des opinions différentes. L'Union européenne était représentée par une seule voix à la conférence de Pékin. Et, c'est grave tout ça. Oui, c'est grave, oui. Et c'est la Commission qui a donc vraiment très fort poussé pour l'adoption de cette perspective du genre à la conférence de Pékin. Alors, il faut savoir, donc, comme je le disais tout à l'heure, que il y a eu le gender mainstreaming, l'intégration de cette priorité de la perspective du genre au sein des politiques internationales après Pékin. Il y a eu les objectifs pour le développement du millénaire, qui était un espèce de plan sur 15 ans, plan de développement sur 15 ans de 2000 à 2015, qui est maintenant remplacé par les objectifs de développement durable, qui concerne non seulement les pays en voie de développement, mais tous les pays. Donc la France est également concernée par ces 17 objectifs de développement durable. Et il y a un objectif, l'objectif numéro 5, qui s'appelle donc parvenir à l'égalité des sexes. En anglais, c'est gender equality. Il faut savoir que très souvent, le mot gender est traduit en français par le mot sexe, ce qui prête à confusion. Et que donc, par conséquent, souvent, derrière l'expression « égalité des sexes » se cache l'idéologie du genre. Donc, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Donc, ils veulent mettre fin à toutes les formes de discrimination contre les femmes et les filles dans le monde entier d'ici 2030. Donc, y a eu un continuum qui n'a pas été cassé depuis Pékin, et qui va continuer jusqu'en 2030. Le gender est au cœur des politiques de la gouvernance mondiale que la France subit et que la France suit. Voilà. D'accord. Merci Gilbert à nous avoir appelés. Pour ce qui est de peut-être une question importante, savoir, mais finalement, qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme ? Est-ce qu'on pourrait, j'allais dire, ce qu'on appelle en anthropologie. Donc, qui pourrait nous aider un petit peu à bien dire les choses ? Qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'un homme ? Marguerite. Bon, alors là, je vais vous partir de la révélation. Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Alors Jean-Paul II, dans sa très belle lettre sur les femmes, Mulieris Dignitatem de 1988, nous dit que donc pour comprendre ce qu'est l'homme et la femme, il faut que nous nous replacions dans le contexte du commencement biblique, où la vérité révélée sur l'homme comme image et ressemblance de Dieu constitue la base immuable de toute l'anthropologie chrétienne. Donc nous sommes créés à l'image de Dieu, et puis Dieu se révèle dans le Christ comme Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire que la personne est faite pour une communion d'amour, une communion interpersonnelle. Et c'est cela que signifie cette image et ressemblance de Dieu. Et c'est à cela donc, que s'attaque le gender, et non seulement le gender, mais toutes les autres, la révolution sexuelle dans son ensemble. Très bien. Écoutez, on va continuer sur cette question. Et juste après ce chant, nous allons entendre Glorious et les petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin interpréter l'Ave Maria. Radio Notre-Dame. C'est l'Ave Maria de Glorious et des petits chanteurs de Saint Thomas d'Aquin. Nous continuons cette émission avec Esther Pivet, Marguerite Peters, qui nous parle de la théorie du genre ou la déconstruction par le genre. Et nous avons un témoignage de Virginie qui nous a envoyé un mail. Et je lis ce mail. « Je suis née en 1967 », nous dit-elle. Et déjà dans les années 90, nous étions sous influence du gender. Je me souviens, étant adolescente, j'avais pris l'habitude de parler de moi au masculin. C'est une femme qui parle. Par exemple, j'aimais dire « je suis content ». Je vivais en pleine confusion. Je précise qu'à la faculté déjà, nous étions encouragés à essayer des relations homosexuelles pour bien vérifier si nous étions sûrs d'être hétéros. lorsque j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ, je me suis senti rempli de son amour et j'ai été complètement remise à l'endroit. Aujourd'hui, je vis comme une grâce et une bénédiction d'être une femme, nous dit-elle, dans la place originale et cruciale que Dieu donne à la femme pour son plan d'amour pour l'humanité. Mmh. Esther Pivet, donc... Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Marguerite, finalement, qui vient de Jean-Paul II, c'est que Dieu nous a fait avec un corps sexué masculin ou féminin pour être don, en fait. La personne humaine est don, est faite pour le don. Et à l'origine, Dieu a créé l'homme pour être don pour sa femme. L'homme se donne à sa femme qui l'accueille et la femme se donne en retour à son époux. Et cette communion d'amour, cette union est une communion à l'image et à la ressemblance de Dieu, Trinité, communion d'amour, Père, Fils et Esprit Saint. Et c'est dans cette communion, dans la communion, dans la chair, que l'homme et la femme sont le plus à la ressemblance de Dieu à l'origine. Alors bien sûr, avec le péché, l'homme a détruit tout ce beau projet de Dieu pour l'amour humain. Et c'est le Christ qui vient restaurer notre capacité à être don, à vivre dans le don, la masculinité pour la féminité et la féminité pour la masculinité. Et cette capacité de don, en fait, que Dieu a mise en nous, dans notre corps sexué, par tout notre être, notre corps qui révèle toute notre personne, eh bien, cette capacité de don, elle est faite pour, au final, à la résurrection, nous donner totalement à Dieu, qui se donnera totalement à nous, et que nous vivions enfin complètement comblé, que notre soif d'aimer et d'être aimé soit totalement comblée par Dieu dans une union éternelle, une communion éternelle en Dieu. Et donc nous sommes créés hommes et femmes en vue du don pour la communion, pour nous préparer à la communion éternelle, à la résurrection avec Dieu. Et c'est une bonne nouvelle, et en fait c'est cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer avec force, et c'est la seule, absolument la seule, qui nous sortira de cette idéologie du genre. La théologie du corps de Saint Jean-Paul II, le corps est révèle la personne et le corps est fait pour le don en vue de la communion, et bien cette théologie du corps est le seul antidote contre l'idéologie du genre. Alors nous avons une question aussi d'Alain de Chatou qui nous demande si nous pouvions commenter un verset biblique, Matthieu chapitre 19, verset 12. Alors je vais même aller un petit peu plus haut avant le verset 12 où Jésus parle du mariage et il dit qu'il y a effectivement, il explique un petit peu que le mariage à l'origine c'est l'homme et la femme qui se marient et ensuite il y a des personnes qui ne peuvent pas se marier. Et effectivement, parce qu'il y a des gens qui, dès la naissance, ne vont pas pouvoir se marier. Voilà. Ce qu'on appelle des eunuques. Voilà. En fait, c'est le Christ fait référence eh bien, aux personnes qui ne peuvent pas se marier de naissance. En particulier, eh bien, il y a des personnes lourdement handicapées qui ne peuvent pas s'engager dans les liens du mariage. Ce n'est pas possible. Et voilà, c'est ça que veut dire le Christ de naissance. Voilà, c'est en vue du mariage. En vue du mariage. Ils sont eunuques, c'est-à-dire célibataires. Ils resteront célibataires parce qu'ils ne peuvent pas s'engager dans les liens du mariage compte tenu de leur handicap. Très bien. Alors, tout à l'heure, il y a quelques instants, nous disions, pour sortir de l'impasse de ce raz-de-marée du gender qui arrive dans nos sociétés, parce que vous faites le tour du monde aussi, Marguerite, et vous rendez compte de ce raz-de-marée qui vient en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, et puis partout, à une vitesse vertigineuse. Pour sortir de l'impasse, la lecture de la Bible, la foi, peut nous aider à nous donner des bases, parce que j'ai l'impression que c'est ça qui manque un petit peu, avoir des bases solides pour savoir s'en sortir. Marguerite. Oui, je crois que le gender, et comme je le disais, donc le dernier fruit amer de ce long processus de sécularisation, et que le point de départ, c'était ce rejet de Dieu, de la paternité de Dieu, et que par conséquent, la solution, c'est de redevenir des fils bien-aimés du Père. Et je crois que c'est la soif la plus fondamentale dans le cœur de toutes les personnes aujourd'hui, et qu'il y a toutes ces déviances parce qu'on n'a pas retrouvé le sein du Père, l'amour du Père. Et qu'on ne doit pas hésiter à annoncer cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Le beau témoignage de Virginie tout à l'heure qui disait qu'elle avait été sauvée par cette rencontre du Christ. Et il y a tant de témoignages similaires aujourd'hui de cette découverte joyeuse du salut en Jésus. Je crois vraiment que ce que nous vivons aujourd'hui